Yeah, yeah, yo, Calibre 420, à la vie, à la mort. Ça fait 3 ans que j'ai pu sa connaissance, bien qu'elle n'avait pas aussi fort d'aisance. Elle m'avait beaucoup plu déjà, à première vue, comme une inconnue. Elle s'est initiée toute nue, de mots en mots, je pouvais tout à fait lâcher le flow. Mais j'ai un idiot, j'avais une voix d'un ado, allant de jour en jour, on évite dans les contours. Pour m'améliorer, j'ai dû rester dans la cour, avec mes lyrics, ma tactique et ma technique. J'ai cliqué avec ma clique, sans faire de critique. En trouver mes repères avec, ouais, mes compères. J'ai vu faire ce que je voulais depuis tant d'années de galère. Et ne croyez pas que tout cela avait oublié, car mon inspiration se transforme en versée. Bien qu'au-delà, aucune large versée. Mais croyez bien, aucune personne je veux ignorer. Le rythme est lancé, difficile de nous arrêter. Du hip-hop de chez nous avec une touche bien mijotée. Chaque jour à peu plus haut, bien pour représenter. 97420, le message est passé. Les noms variés sont belles et bien chargés. Qu'avec mes bras d'offre, je balance mon armée. Et ça, une pitié, je pour toi mes versets. Sans jamais me dénoncer, j'accentue mes pensées. Oui, t'accentues tes pensées. Cali 420 en microphone, des gommes, des gommes, des gommes, des gommes, des gommes, des gommes, des gommes. Cali 420 en microphone, des gommes, des gommes, des gommes, des gommes, des gommes, des gommes, des gommes. Cali 420 en microphone, des gommes, des gommes, des gommes, des gommes, des gommes, des gommes, des gommes. Cali 420 en microphone, des gommes, des gommes, des gommes, des gommes, des gommes, des gommes, des gommes. Calibre 420. Kounzo au point de tirer le calibre. Absorbe-tu. On n'est pas criminel, mais on l'a. Des rimes qui tuent, ouais. Qu'on partisse et on casse. On élimine, on fait des traces. Après, si mon hip hop après, on écoute ma basse. Échec et mathémat, ton échec. Je débarque sur le ring et je percute plus vite que King. Un son underground. 100% authentique pour le premier round. Représente le hip hop du port. C'est ça même. On déchire sans prendre pour l'effort. C'est ça même. Les gants star rap, on n'est pas. Qu'on star rap, on ne pas. Avec un flow qui foudroie. Même super Vegeta. Alors, mec, bouge de là si tu kiffes. Un peu spécial, c'est vrai, c'est du hip hop raga. Originaire du 97420. Reste naturel quand on arrive dans la place. C'est que la DMX représente la MIFA. Surtout, ne nous prend pas pour des imbéciles. Car on file toujours droit comme les fous du Nil. Tu verras qu'Inch'Allah, on sera un jour sur vinyle. On sera un jour sur vinyle. On sera un jour sur vinyle. On sera un jour sur vinyle. On sera un jour sur vinyle. Calibre 420, il fly. C'est la ville beau. Avec hip-hop, bagarre, c'est l'instrumental. ça le fait pas de détails. Écoute ça, ça l'est pas faille ça. Écoute ça, ça l'est pas faille ça. Écoute ça, ça l'est pas faille ça. Écoute ça. Cali 80 au microphone, des gommes. Cali 80 au microphone, des gommes. Cali 80 au microphone, des gommes. Cali 80 au microphone, des gommes. À la vie, à la mort, on chante avec la foi, on représente le port. Quand on prend le microphone, écoute bien ce son, c'est notre hip hop raga, originaire du 97-4-2-0. À la vie, à la mort, on chante avec la foi, on représente. Originaire du 9-7, 4-2-0. Originaire du 9-7, 4-2-0.